Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée, c'est le 66e épisode aujourd'hui et je reçois la belle Andrea, 2 ans après notre première émission qui concernait le thème des conservateurs. Aujourd'hui nous allons parler de MLM, Multi-Level Marketing ou Marketing de réseau sur le secteur des cosmétiques évidemment. Coucou, tu es une habituée maintenant et en plus je dois dire que tu es une fidèle auditrice de mon podcast, donc je te remercie beaucoup. J'aime beaucoup aussi écouter tes podcasts. Je suis ravie de pouvoir être ici aujourd'hui avec toi pour parler un petit peu sur le MLM. Moi c'est Alice, passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent. Tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Andrea, toi, tu travailles comme indépendante dans ce secteur des cosmétiques. Tu es styliste beauté avec la société Joli Moi, une entreprise française de marketing de réseau qui référence plusieurs marques de cosmétiques. Alors, le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est, chers auditeurs? Vous connaissez très probablement la marque Tupperware. Le principe, c'est que les vendeurs et vendeuses créent leur propre réseau de clients en leur présentant les produits Tupperware en l'occurrence, souvent pendant des réunions conviviales. Ils touchent ensuite un pourcentage sur chaque vente et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent pour ce travail. Ce modèle permet donc à la marque d'être plus proche de ses clients finaux, de créer une proximité avec eux et ça lui permet également d'avoir une force de vente très motivée puisqu'indépendante et donc déterminée à générer des ventes. Ça permet aussi moins de coûts côté salaire, pas de dépenses en boutique par exemple. Et on parle de marketing de réseau parce que pour étendre le réseau de vendeurs, les marques en MLM incitent leurs vendeurs à parrainer de nouveaux vendeurs, puis à les aider à se développer. Le gros atout pour les vendeurs, c'est qu'ils bénéficient alors de pourcentages sur chaque vente des membres de leur équipe parrainée. Et les premiers vendeurs d'une grande lignée de vendeurs peuvent gagner énormément s'ils ont beaucoup recruté, que leur équipe a à nouveau recruter de nouveaux vendeurs, qui ont recruté de nouveaux vendeurs, etc. Donc, ça ne dépend pas de l'ancienneté, mais bien de la capacité à recruter de nouveaux vendeurs qui sont efficaces et font des ventes. Et Joli Moi, avec qui travaille Andrea, est une plateforme qui rassemble une 50aine de marques de cosmétiques et qui travaille beaucoup sur le digital. Elle a incité et elle incite les stylistes beauté à recruter des clients en animant des réunions, mais aussi en utilisant beaucoup les réseaux sociaux, c'est moderne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je t'avais interviewé, Andrea, il y a 2 ans, tu travaillais pour une marque de MLM déjà, mais une autre, Ringana. Oui. Et l'été dernier, tu as rejoint le réseau Joli Moi, que tu aimes beaucoup. Donc, tu vas nous parler des différences et de ce qui t'a motivé. Et après mon interview, ce sera, comme vous le savez, la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner 3 infos concernant Andrea. Son âge, ce qu'elle collectionne et le thème de sa nouvelle chaîne TikTok. Qu'est-ce que tu faisais avant de travailler dans le marketing de réseau, toi? Alors, moi, j'étais manager dans un spa à Paris. Voilà. J'étais déjà beaucoup dans le conseil, j'étais déjà dans la cosmétique et voilà, je suis esthéticienne de base. Voilà, j'étais déjà dans ce domaine. Et parfois, c'est vrai qu'il y a confusion sur le concept de marketing de réseau que certains assimilent à un marketing, à un système pyramidal. Tu peux nous expliquer la différence, comme ça c'est clair, on ne confondra plus. Oui, c'est vrai que quand on commence dans ce métier et qu'on essaie de recruter par la suite, on nous demande toujours s'il y a, c'est ça, le marketing pyramidal. Après, on explique que non, c'est pas c'est un système pyramidal parce que pour commencer, donc le système pyramidal, donc il est interdit en France, donc c'est illégal. Les entreprises qui font ça ou qui essaient de faire ça se font donc choper très très vite. En marketing de réseau, alors nous gagnons de l'argent en vendant des produits, mais également en recrutant des personnes qui vont faire la même chose que nous. Ils vont eux-mêmes trouver des clients et des représentants et nous aller toucher de l'argent, donc une commission, un pourcentage, et les gens confondent. Sauf qu'après, donc le système pyramidal, donc je répète, il est illégal en France. Et comment savoir si c'est un système pyramidal? C'est en fait, tout simplement, en fait, ils vont nous demander une somme d'argent qui dépasse très souvent des dizaines, hein, c'est plutôt des centaines d'euros. Et puis cet argent, il va toujours vers le haut de la pyramide. Et en fait, on nous demande après ensuite de trouver deux personnes pour recruter, et ces mêmes personnes vont donner aussi donc la même somme d'argent, et la personne donc va se rendre très vite fait bah, que c'est une arnaque, et puis qu'ils ne toucheront jamais rien, ou vont jamais toucher rien en fait. Et qui est bah après ce qui tu vas donner de l'argent parce que le discours il est très, c'est un beau discours, hein, c'est très bien rodé, que c'est solidaire, que c'est pour une bonne cause, et un jour ça sera à ton tour d'avoir une belle somme d'argent, d'être aidé. Mais voilà, bah de toute façon en France c'est interdit, donc tu vas très vite te rendre compte que c'est une arnaque, tu vois. Et alors que sur le marketing de réseau, au début, tu payes une licence qui va directement donc à la compagnie et chez Jolimoi. Donc, l'argent que tu mets dans cette licence est transformé en bon d'achat, et tu auras des produits dans la boutique, donc parmi les 60 marques. Donc, c'est jamais de l'argent de perdu. Tu vas avoir vraiment un réel produit chez toi, donc avec l'argent que tu as dépensé. Voilà. C'est vrai que c'est bah, déjà une différence majeure, c'est que dans le système pyramidal, il n'y a pas de valeur créée. On est juste sur une transaction d'argent sans retour derrière, avec la promesse que lorsqu'on aura convaincu un autre, entre guillemets, pigeon de rejoindre la structure, ça nous permettra de revenir, de rentrer dans nos frais, voire même de gagner de l'argent sur les futures personnes escroquées. C'est vraiment une escroquerie bien ficelée avec promesse de remboursement, puis même de gains par la suite si la structure arrive à se développer assez. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque la structure est arrêtée, soit parce qu'elle a été repérée par la loi, soit parce que le fondateur disparaît, il y a toujours toute la base de la pyramide, les derniers arrivés, qui repartent sans rien. Alors que ça n'a rien à voir avec le... Enfin voilà, dans le marketing de réseau, là, comme tu l'expliquais, si à un moment, Jolimoi faisait faillite, eh bien, vous avez récupéré des produits avec l'argent que vous avez payé finalement pour rejoindre, pour payer la licence en fait de Jolimoi. Et en plus, bien sûr, il y a de la valeur créée puisque vous vendez des vrais produits de marques implantées, de voilà, ça s'inscrit dans l'économie, quoi. C'est ça, des marques qui sont connues, hein, qui sont connues, et c'est ça la différence. C'est qu'effectivement, dans le marketing de réseau, donc on est payé selon le travail qu'on effectue tous les jours. Donc par nos actions, et on a des réelles commissions. Sur chaque vente en plus, je crois. Oui, tu vas nous en parler après. Pourquoi tu t'es dirigée vers le MLM alors, toi, il y a 2 ans? Alors moi, je me suis dirigée donc vers le MLM parce que déjà, je voulais continuer avec quelque chose qui soit dans les cosmétiques, parce que c'est déjà, voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est travailler avec la cosmétique. En plus de ça, donc je suis devenue aussi maman, donc la liberté des temps pour moi c'était primordial, de pouvoir choisir aussi nos horaires en fonction de nos priorités de vie, hein, et donc avoir plus de temps pour l'enfant et pour la maman aussi. C'est les principales raisons pour laquelle j'ai choisi ça. Et du coup, tu le disais, le secteur des cosmétiques, tu y travailles depuis des années maintenant. C'est ça. Tu as toujours aimé ça, adolescente, par exemple? Oui. J'ai fait ma formation d'esthéticienne, j'avais 20 ans, mais j'ai toujours aimé me maquiller, j'avais toujours des choses à la maison, des crèmes, des maquillages, j'aimais ça. Tu as travaillé donc avec l'entreprise Ringana, qui est une entreprise autrichienne, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et quand je t'avais interviewé il y a 2 ans, donc tu venais de la rejoindre et tu nous en parlais. Et cet été, tu as décidé de rejoindre la société, donc Joli Moi. Qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise? Quelle différence tu vois? Jolima, c'est une entreprise française. Après, aussi, le concept multimarque et avoir une réponse à tous les besoins personnels et pour mes clientes, c'est primordial parce que c'est vrai que des fois, je n'avais pas tous les produits à pouvoir proposer à ma cliente de ma précédente compagnie. Et c'est vrai qu'avec Jolima, je trouve des réponses pour toutes mes clientes, en fait. Et je reste toujours dans le naturel, des produits clean, avec beaucoup de valeur, que ce soit pour la planète ou pour l'humain aussi. Il y a des deux, hein. Je crois qu'il y a à la fois des marques plus conventionnelles et des marques, comme tu dis, naturelles et clean. Il y a le choix. Oui. Après, ils font toujours attention que ce soit le plus naturel possible aussi chez Joli Moi. D'accord, oui, il y a la démarche, enfin la dimension responsable qui est importante. C'est ça, oui. Que ce soit donc envers la planète et envers l'humain. Donc, et ça, je trouve que c'est très bien. Après, nous, donc en tant que styliste beauté, nous ne sommes pas obligés de travailler avec les 60 marques. On peut choisir les marques au plus naturel, voilà, les marques qui nous sont chères à nous aussi. On n'est pas obligé donc de travailler avec toutes. Donc d'ailleurs, moi, je connais pas tous les produits, tous les produits qui sont disponibles dans la boutique. En termes de rémunération, je crois que l'avantage aussi, c'est que tu es sur, c'est vraiment sur chaque vente que tu touches une commission. C'est ça, sur chaque vente, tout à fait. Et je pourrais ensuite aussi recruter des personnes. Donc, je gagnerai aussi des commissions sur les ventes à ces personnes. Les plus grosses commissions, ce seront sur mes ventes personnelles. Dans l'idée, comme on parlait du système pyramidal, on peut imaginer que les personnes qui sont là depuis le plus longtemps sont celles qui gagnent le plus. Mais en fait, non, tu me disais que tu peux gagner, toi, plus que la personne qui t'a parrainé, si toi, tu fais plus de ventes et que ton équipe à toi fait plus de ventes. Tout à fait, c'est ça. En fait, nous, on est payé selon les actions qu'on fait tous les jours, avec le travail qu'on effectue tous les jours. Je peux effectivement gagner plus que la personne qui est là depuis plus longtemps que moi. Et en fait, il faut travailler tous les jours un petit peu. Ce qu'on nous dit souvent en formation, c'est qu'il faut planter une petite graine tous les jours pour la suite. Oui, et en termes de pourcentage, en fait, c'est très très complexe. Le système, ça a été bien pensé pour que justement il y ait le côté mérite. Le pourcentage de commission n'est pas le même si c'est quelqu'un qui est dans l'équipe de ton équipe ou si c'est dans ton équipe directe. Là, ta commission va être, le pourcentage va être plus élevé. Donc c'est ça qui fait les différences pour valoriser le travail de ton équipe directe et de toi-même, quoi. Le pourcentage, oui, c'est ça. En fait, le pourcentage plus élevé que je vais avoir, c'est effectivement sur mes ventes personnelles. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Alors, tu le disais, il faut planter des graines différentes pour ensuite obtenir des résultats. Tu peux nous donner un exemple de sortie de zone de Ah, confort? bon. Ça, c'est les réseaux sociaux déjà. J'ai toujours eu Facebook, Instagram, mais c'était pas du tout. Dans le professionnel, c'était pour moi, je regardais le fil et c'est tout. Déjà, faire un podcast, c'était pas ça. Et en plus, me montrer sur les réseaux, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Et bon, mais je m'améliore tous les jours un petit peu. C'est ça qui compte, c'est d'essayer. Bah ouais, c'est important. Et est-ce que tu peux nous donner ta routine beauté du moment? Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait un double nettoyage de peau, donc avec un démaquillant et plus un nettoyant doux. J'utilise aussi un sérum donc ciblé, donc pour tout ce qui est imperfection et pores dilatés. Et j'utilise ensuite une crème du jour ou une crème de nuit la nuit. Et j'aime beaucoup les huiles. Les huiles. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir sur Beauté Imaginée. Et depuis que j'ai découvert, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai trouvé la mienne. Une à deux fois par semaine, un petit gommage, un masque. Et j'ai une crème de contour des yeux aussi. Maquillage, bah, c'est très simple. Pour tous les jours, hein, je fais petite bébé crème, une poudre compacte pour matifier la peau et une petite gloss, eyeliner et mascara. Est-ce qu'il y a un produit vraiment incontournable que tu as dans ta trousse de Moi, toilette? j'aime beaucoup oui, une huile végétale que j'utilise maintenant et c'est avec des probiotiques et oméga 3. Et c'est un multi-usage. Je peux me démaquiller avec, comme je peux les mettre pour hydrater la peau. C'est Bi plus Radiance. J'aime beaucoup la texture pour ma peau qui est plutôt mixte. Ça ne me laisse pas du tout la peau grasse. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis pour ma pratique, on va parler de ça après. Donc, c'est l'idéal. Eh bien, merci Andrea pour toutes tes réponses. Nous passons en effet à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque chers auditeurs, l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Voici les informations à deviner aujourd'hui. Quel est l'âge d'Andrea? Que collectionne-t-elle? Et quel est le thème de sa nouvelle chaîne TikTok qui a eu un indice avec l'huile végétale? Est-ce que vous avez des idées? 30 ans, des petites bouteilles de parfum et une chaîne TikTok sur les chats. On nous propose également 32 ans. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de bon dans tout ça? Non. Alors, est-ce que tu as plus près de 30 ans ou de 32 ans, Andrea? De 32. Ok, alors allez, C'est dis-nous. 34 ans. 34 ans. On a Muriel qui tentait 36, tout près Muriel, c'était 34. Merci d'avoir tenté. Donc, je collectionne des pièces de monnaie de 2 euros. Donc, tout ce qui est des pièces spéciales, hein, tout ce qui est des pièces bah, uniques, mais celles qui se font très peu. Après, voilà, j'ai commencé comme ça, parce que j'aimais bien. Voilà, c'était pas, bah ça, je vais collectionner ça. Non, c'était parce que je trouvais une pièce différente et puis ça, j'aimais bien. J'aime bien aller voir les origines. Bah, c'est à une fête spéciale pour la conception de cette pièce en question. Voilà, je suis pas non plus une grosse collectionneuse de pièces. Mais en tout cas, celle de 2 euros, j'aime la beauté, en fait, des pièces de 2 euros. Et juste, du coup, tu les conserves dans sous quelle forme, les pièces jolies, spéciales? J'ai pas de truc spécial pour les pièces. Je les conserve bah, comme ça dans un petit bocal. Du coup, il y a combien d'euros? Sais pas, mais il y en a beaucoup. Ça fait une réserve en même temps, une sécurité. Bon, oui, on ne sait jamais. Pour ma chaîne de yoga du visage, j'adore ça. Il y a un côté vraiment anti-stress, une sensation de bien-être. Ça améliore l'aspect de la peau. Voilà, je trouve ma peau plus lumineuse. Et puis, ça repulpe aussi la peau. J'adore ça. Comment s'appelle ta chaîne si on veut suivre tes conseils? Alors, c'est Yoga du visage AFSR. On arrive à la fin de notre émission de Beauté Imaginée sur ce thème du marketing de réseau dans les cosmétiques. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir raconté tes motivations. Merci beaucoup à toi, c'est un plaisir. Merci d'avoir imaginé ma belle invitée aujourd'hui. Vous pouvez donc suivre les aventures de Andrea sur son compte Instagram, Live the Life JM. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com afin d'écouter tous les replays de mes différents épisodes et pour découvrir plus d'infos beauté. Les podcasts sont aussi disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. J'ai une dernière question, Andrea. Pour une prochaine interview dans Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à une marque naturelle que tu aimerais bien entendre ici? Ah, attends, attends. Je pense à une marque que j'aime beaucoup, que c'est la marque Millet. Oui. Oui, c'est une marque naturelle, donc MIYE. Donc oui, j'aime beaucoup cette marque. Voilà, si tu veux voir un peu plus, c'est une très belle marque, vegan, bio, voilà.